Gouvernement ya Katanga Oriental, Basali ensemble leur réconciliation. Ikambo ya Katanga pende Congolais, et si ni le lona katia Katanga, Boulunde gouverneur Basali yonso, citoyen yonso zali Congolais. Gouvernement ya Katanga Oriental, Basali ensemble leur réconciliation. Ikambo ya Katanga pende Congolais. Et si ni le lona katia Katanga, Boulunde gouverneur a sali yonso, citoyen yonso zali Gouvernement ya Katanga Oriental, Basali yonso lelo réconciliation. Ikambo ya Katanga pende Congolais, et si ni lelo na katia Katanga, Boulunde gouverneur Basali yonso, citoyen yonso zali Congolais. Boulundu Edouard Kishiba Alexis, Kweto Jean-Marie Mumba Raphaël. Kibwe Jean-Baptiste Moutaka Wadilomba, Mwenge Christophe Boulungi Norbert. Vive la réconciliation du Congo. Kalunga Damas Kawangu Jean. Kalunga Damas Kawangu Jean. Vive Boulundwe, gouverneur ya Katanga.